نعم إن شاء الله سيبارتي. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence, alhamdulillah, le cours 12 aujourd'hui dans l'explication de Umdatul Ahkam avec le sharh de Sheikh Abdullah Al-Bassam. Et la semaine passée, on a expliqué Babu Siwak. On a expliqué les règles qui ont rapport avec le Siwak et tout. Et dans ce chapitre, il y avait 4 hadiths. Maintenant, on passe à un nouveau chapitre. C'est le chapitre de Babun al-Mas'hu ala al-Khuffain. C'est-à-dire de passer les mains sur les chaussettes ou sur les bas lorsqu'on fait le wudu. Et donc, le Cheikh Abdullah Al-Bassam, il commence son explication de ce chapitre, et dans ce chapitre, il y a deux hadiths mentionnés seulement. Et c'est relié, bien entendu, aux règles de la purification, parce que ça fait partie, yani, des choses qui sont reliées au wudu. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous de connaître, parce que c'est quelque chose qui simplifie pour nous notre religion. Et tout ce qui rend la religion plus facile et plus simple, eh bien, c'est bien de le connaître et d'en profiter. Comme dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que c'est une permission que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et donc, il aime qu'on profite de ces permissions. Et donc, il faut en profiter. Malheureusement, beaucoup de musulmans ignorent les règles qui ont rapport avec al-mas'h ala al-khuffain. Et certains musulmans, même parfois, ils savent que c'est quelque chose qui est permis de le faire, mais ils sont gênés de le faire, ou bien ils sont pas convaincus, ou bien ils sont pas certains de la façon comment le faire exactement. Donc, à cause de ça, ils enlèvent leurs chaussettes à chaque fois, puis ils lavent leurs pieds au complet à chaque fois, au lieu de simplement passer la main mouillée par-dessus leurs chaussettes. Donc, c'est très dommage. Donc, Inch'Allah, on va faire en sorte que les choses soient un peu plus claires avec qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui comme preuve et comme clarification des ulama à ce sujet-là. Et j'ai ramené également aujourd'hui avec moi le charh de Sheikh Ahmed al-Najmi dans son charh de Umdat al-Ahkam qui s'intitule Ta'assis al-Ahkam. Et il y a des points qui sont mentionnés qui sont très intéressants, qui sont pas détaillés ou qui sont pas rapportés par Cheikh Al-Bassam. Donc je pense que c'est intéressant aussi de ramener d'autres détails qui ont peut-être été oubliés par le Cheikh Al-Bassam. Donc Cheikh Al-Bassam, il commence et il dit: هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين لأن المسح عليهما يدل أو بدل غسلهما فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة ولله الحمد. Donc il dit, dans ce chapitre, on va ramener quelques-unes des preuves de la charia pour montrer qu'il est légiféré de passer les mains mouillées sur les chaussettes pour faire lorsqu'on fait notre wudu. Et c'est-à-dire d'essuyer ou de passer nos mains mouillées sur les chaussettes au lieu de les laver, au lieu de laver les pieds au complet. Et de laver les pieds au complet, c'est ça qui est la purification légiférée qui est connue et qui est acceptée chez tous les ulama, hein, des musulmans. Et ça, c'est quelque chose qui a été rapporté de façon yani mutawatir, c'est-à-dire par un nombre de personnes tellement grand que c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et tellement qu'il y a de gens qui ont rapporté cette question-là. Et al-mas' al-khuffayn, c'est la même chose. Al-mas' al-khuffayn, c'est quelque chose qui est rapporté avec tawatur. Il y a un grand nombre de hadiths à ce sujet-là. Et yani, si je me souviens, il y avait, je sais pas si c'était l'imam Ahmad ou un d'entre les imams qui disait qu'il y a plus que 50 hadiths dans ce chapitre. Plus que 50 hadiths à propos de cette question-là. Donc c'est pas quelque chose sur laquelle, c'est pas une chose sur laquelle il y a des doutes, hein, ou il y a des ambiguïtés, ou il y a des hadiths qui sont pas authentiques. Non, c'est des choses qui sont authentiques et qui sont claires et il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Il dit wala yu'tabaru shudhudhu ba'd at-tawa'if fi 'adami shar'iyyatiha wal akhdh bi ahadithiha لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة. Il dit, on ne doit pas prendre en considération les positions singulières qui ont été adoptées par certains groupes qui considèrent que ce n'est pas légiféré de prendre les hadiths qui ont rapport avec Al-Masih al-Khuffayn et qui rejettent les textes clairs et authentiques et qui sont rapportés en grand nombre à ce sujet-là. Et il fait allusion à qui? Il fait allusion à qui quand il dit ça? Il fait allusion au Rafida. Il fait allusion au Rafida. Parce que les Rafida, ils rejettent les hadiths qui ont rapport avec Al-Masih al-Khuffayn. Ok? Et déjà, même dans leur wudu, les Rafida, Shia, Rafida, même quand ils font le wudu sans les chaussettes, ils ne lavent pas les pieds, ils font seulement passer la main mouillée sur le dessus de leurs pieds. Donc, ils ont contredit la sunna dans le wudu, et par la suite, ils contredisent la sunna en rejetant et en refusant Al-Mas'a al-Khuffayn, alors que, comme on a dit, c'est rapporté par un très grand nombre de hadiths, et ainsi de suite. Il dit ensuite, Wal-Mas'a al-Khuffayn min ar-rusakh allati yuhibbu Allah an tu'ta, wa min tas'hilati hadhihi ash-shari'ati as-samha. Donc il dit, le fait de passer les mains sur les chaussettes, ou sur les al-khuf. Là, il y a une différence entre le khuf et al-jawrab. Qu'est-ce qu'on appelle chaussette en français? En arabe, c'est jawrab. Et al-khuf, c'est une sorte de chaussette, mais c'est particulier. C'est plutôt comme un chausson de cuir. On appelle ça al-khuf. Mais les ulama ont dit que tout ce qui tient sur le pied et que tu peux marcher avec, c'est considéré également comme étant valable pour faire al-mas' dessus. C'est pas nécessaire ou c'est pas une condition que ce soit en cuir ou que ce soit en une matière spécifique. L'important, c'est juste que ce soit capable, que tu sois capable de marcher avec, que ça reste dans tes pieds. OK? Et même s'il y a des trous, des ulama comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a mentionné que même s'il y a des trous dans tes chaussettes ou dans tes khouf, que c'est quand même accepté que tu passes ta main mouillée dessus. C'est pas une condition que, yani, par exemple, que ce soit complètement fermé. S'il y a des trous ou des choses comme ça, c'est pas grave. Et aussi un point important à ce sujet-là, c'est que il y avait la question de est-ce que c'est parce qu'il y en a qui portent des chaussettes parfois qui sont minces et à travers lesquelles on voit la peau. D'accord? Et j'ai lu une parole d'un cheikh qui disait que si elles sont transparentes, c'est pas accepté de faire le masque par-dessus. Toutefois, Cheikh Ibn Uthaymeen, lui, il a mentionné que Si on voit à travers, c'est pas grave. L'important, c'est que ça tienne sur le pied. L'important, c'est que ça tienne sur le pied. Même si c'est transparent, c'est pas grave. Tu peux faire almas sur une chaussure, mais il y a une condition pour les chaussettes et pour les souliers et pour les bottes ou peu importe qu'est-ce que tu portes dans tes pieds. Et une des conditions, parmi les conditions, c'est que que ça monte au-dessus de la cheville. Si ça monte pas en haut de la cheville, c'est-à-dire l'os qui est ici, là, si ça monte pas en haut de la cheville, tu peux pas faire le masse par-dessus. D'accord? Donc, ayant dit ça, on va commencer, inshallah, avec le premier hadith qui est rapporté selon yani Al-Mughira ibn Shu'bah. Al-Mughira ibn Shu'bah, c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son nom c'est Al-Mughira ibn Shu'bah ibn Mas'ud ibn Mu'taq ou ibn Mu'taq, sahabiyun mashhur aslama qabla al-Hudaybiyyah. وولي إمارة البصرة ثم الكوفة مات سنة 50 على الصحيح. Donc, il est devenu musulman avant al-Hudaybiyya, ok, avant al-Sulh al-Hudaybiyya, l'entente qui de paix entre les musulmans et les mushrikines, et il a été amir de la région de Basra et ensuite de la ville de Koufa. Donc il a été amir de la région de Basra et de la région de Koufa en Irak. Il est mort en l'an 50, selon l'opinion correcte. Donc, ça c'est un court résumé de qui était Al-Mughira ibn Shu'bah. Il dit, « Kuntu ma'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin, fa'ahwaytu li'anzi'a khuffayhi, faqal, da'huma, فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. Donc, le hadith qui est rapporté selon Al-Mughira ibn Shu'ba, il dit, j'étais avec le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un voyage. Et, yani, il est allé pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam à faire son wudu. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait terminé de, yani, uriner ou faire ses besoins, il est venu et il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'eau pour faire son wudu. Lorsqu'il est arrivé, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait tous les membres de son corps pour le wudu, arrivé à ses pieds, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des khoufs dans ses pieds, eh bien, Al-Mughira s'est penché pour les enlever. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, da'huma, c'est-à-dire laisse-les. Hein, fa'inni, labistuhuma ou adkhaltuhuma tahiratin. Je les ai rentrés dans mes pieds alors que j'étais en état de purification. Donc j'étais pur lorsque je les ai portés. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé ses mains, il a essuyé le dessus de ses pieds avec ses mains au lieu de laver ses pieds au complet. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parmi les termes qui sont mentionnés dans ce hadith, فأهويت لأنزع يعني مددت يدي لأخرجهما من رجليه لغسلهما. C'est-à-dire فأهويت. C'est comme s'il s'est dirigé vers, يعني en se penchant vers les chaussettes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les chaussons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les retirer pour qu'il puisse les laver pour faire son wudu. Mais يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que ce n'était pas nécessaire de le faire. Donc, al-ma'na al-ijmali, la signification générale du hadith. Il dit le cheikh, كان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره. فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء غسل وجهه ويديه ومسح رأسه أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما. لغسل الرجلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما ولا تنزعهما فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بدل غسل رجليه. C'est-à-dire que Al-Mughira était avec le prophète, comme je disais, dans un des voyages qu'il a fait. Certains ont dit que c'était la bataille, lors de la bataille de Tabouk. Donc, il s'est dirigé vers Tabouk. Et en chemin, il s'est arrêté pour faire le wudu. Donc, le prophète Sallam a fait son wudu et il a lavé son visage, ses mains, sa tête. Il a passé les mains sur sa tête et ainsi de suite. Et donc, Al-Mughira s'est penché pour retirer les khoufs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que ce n'est pas nécessaire de les laver, puisque il a dit laisse-les, pas besoin de les retirer, ne les retire pas, car je les ai rentrés dans mes pieds alors que j'étais en état de pureté. Donc c'est, dans ce cas-là, c'est pas nécessaire de les enlever. Il a seulement passé ses mains mouillées sur ses khoufs. Donc ici, donc le cheikh il dit quoi? Cheikh Ahmed al-Najmi il dit: خفف الله عن هذه الأمة وأزاح عنهم عنها الحرج ومن التخفيف شرعه لهم المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما لتتأسى به أمته في ذلك. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a allégé la charge sur cette Ummah. Il a allégé la charge sur cette Ummah et a enlevé sur cette Ummah la difficulté. Et l'allègement en question, c'est quoi? C'est qu'il a légiféré de passer la main sur les chaussettes ou sur les chaussons au lieu de laver les pieds au complet. Et ça, il dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de lui-même donner l'exemple et de le faire par lui-même, de faire cette chose-là lui-même pour que sa umma puisse prendre son exemple et suivre son exemple dans le masah ala al-khuffayn. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre par rapport au fiqh du hadith? Je vais lire celui de Cheikh Ahmed al-Najmi en premier, parce que le Cheikh al-Bassam, lui, il rentre directement dans la divergence par rapport aux Shia et qu'est-ce que les Shia ont dit. Donc, on va commencer à expliquer un peu des points que Cheikh Ahmed al-Najmi a mentionnés. Puis après, on reviendra aux paroles de Cheikh al-Bassam à ce sujet-là. Donc, il dit « Fiqh al-Hadithain ». Bon, le cheikh Ahmed al-Najmi, lui, il traite des deux hadiths en même temps. Donc, on peut lire le deuxième hadith aussi, qui parle de ça aussi. C'est un hadith qui est rapporté selon Huzaifat ibn al-Yaman. Il dit, radiyallahu anhu, « قال, كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. » Donc, il rapporte le hadith de façon résumée. Il dit, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a uriné, il a fait son wudu et il a passé ses mains sur ses khoufs, sur les khoufs. Donc c'est ça le hadith. Et ça, c'est un résumé d'un hadith plus long en fait. Donc il a mentionné seulement la partie qui concernait le sujet dont on parle. Donc il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces hadiths, de ces deux hadiths par rapport à la question de al-mas' ala al-khuffayn comme règle? Il dit, awwalan fihima dalilun ala jawaz al-mas' ala al-khuffayn kama tawatarat bihi al-ahadith wa huwa madhhab ulama al-shar' kaffatan illa Malik fa'anhu riwayat bi inkarihi wa ithbatihi. Qala ibn Abd al-Barr wa riwayatu as-sahiha anhu musrihatan bi ithbatihi. مصرحة بإثباته. أما الصحابة فقال ابن المبارك ليس بين الصحابة في المسح على الخفين اختلاف، لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال ابن حزم لم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، ثم روي عنه إثباته بعد رواية إنكاره. Naam. Donc il dit, il y a la preuve dans ces deux hadiths de la permission, du fait que c'est permis de passer les mains mouillées sur les deux sur les chaussettes, comme c'est rapporté de façon tellement, yani par un tellement un grand nombre de rapporteurs que c'est pas possible que ce soit pas authentique, que ce soit pas vrai. Et ça, c'est la position de tous les ulama de la charia, excepté Malik, parce qu'il y a des narrations qui sont rapportées et qui sont yani rapportées à son sujet, qui disent qu'il l'a nié. Et d'autres narrations dans lesquelles il l'a affirmé. Et comme on va voir tout à l'heure, comme Cheikh Al-Bassam, il a rapporté, il a dit que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit que tout ce qui a été rapporté des imams, comme l'imam Malik ou de Sahabi, il y en a qui auraient nié Al-Mas' ala Al-Khufayn, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas authentiques. Toute négation du Mas' ala Al-Khufayn de la part de l'imam Malik ou d'autres, parmi les ulama ou parmi les sahaba, c'est pas authentique. Il dit que Ibn Abdul Barr a dit les narrations authentiques ont explicitement mentionné que c'est quelque chose qui est affirmé. Donc, il n'y a pas de doute par rapport à l'imam Malik qu'il affirmait Al-Masih al-Khufayn. En ce qui concerne les sahaba, Abdullah ibn al-Mubarak, un des imams parmi les salafs, a dit il n'y a pas de divergence entre les Sahaba sur la question de Al-Mas' ala Al-Khufayn. Il n'y a pas de divergence entre les Sahaba sur la question de Al-Mas' ala Al-Khufayn. Il dit, tous ceux d'entre eux de qui on a rapporté la négation ou le refus de Al-Mas' ala Al-Khufayn, on a également rapporté d'eux l'affirmation du Mas' ala Al-Khufayn. Ibn Hazm, il dit la même chose. Il dit, il n'est pas correct, yani, tout ce qui a été rapporté des Sahaba comme négation ou refus de Al-Mas' ala Al-Khufayn, c'est quelque chose, yani, comme par exemple, il dit, il n'y a rien d'authentique de la part des Sahaba à ce sujet-là, excepté selon Ibn Omar, puis on a rapporté de lui également l'affirmation par la suite. Et il dit, ومع هذا فقد أنكرته الخوارج والرافضة من الطوائف المبتدعة حتى عده علماء السنة من المعتقد. Donc il dit, c'est les khawarij et les rafidah qui ont nié, yani, al-mas' ala al-khuffain. Et ceux-là sont parmi les groupes de bid'ah. Donc leur divergence n'est pas calculée. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de leur divergence, puisque ce sont des groupes de bid'ah et d'égarements déjà en partant. Et il y en a à cause de y en a de cette divergence, disons, de la part de ces groupes d'égarements, les ulama de la sunna ont inclus cet élément-là dans les éléments de la aqidah. C'est-à-dire que dans la aqidah de certains imams des salafs, quand ils mentionnent les éléments des fondements de la sunna, ils rapportent parmi ces éléments-là al-mas' ala al-khuffayn. Ils en ont fait une question de aqidah. Pourquoi? Parce que tous les imams et les ulama de Ahl al-Sunnati wal Jama'a ont accepté al-mas' ala al-khuffayn et ont pratiqué al-mas' ala al-khuffayn, excepté les rafidah. Donc c'est devenu une de leurs caractéristiques des gens de bid'ah. C'est-à-dire, ceux qui rejettent al-mas' ala al-khuffayn, c'est les rafidah, hein, et les gens de bid'ah. Donc, les gens de la sunna, pour eux, c'est clair, ils en ont même fait une question de aqidah, hein. Donc, c'est pour dire que parfois, même des questions de fiqh peuvent même faire partie de la aqidah, lorsque c'est des questions qui sont claires, qui sont établies dans la sunna. Naam, pour distinguer entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a. Et si vous regardez, par exemple, le livre Sharh Usul al-Sunna de l'imam al-Barbahari, dans son livre, il ramène beaucoup d'éléments qui font partie des choses qui ont rapport avec le fiqh et qui sont inclus dans la aqidah et dans le manhaj à cause du fait que c'est une distinction. Hein, c'est devenu un point dans lequel la contradiction de ces hadiths-là est tellement grave que ça devient une question même de aqidah et de manhaj. Donc ça, c'est lorsque les hadiths sont clairs et explicites et qu'ils sont très très nombreux et que eux, ils viennent contredire les gens de la sunna sur ces questions-là. Donc ils ont aucune, on tient pas compte du tout de leurs contradictions et de leurs divergences. ثانيا يؤخذ من قوله إني أدخلتهما طاهرتين أن اللبس على طهارة شرط في صحة المسح على الخفين. Donc, on prend de ce hadith-là comme deuxième point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Je les ai mis dans mes pieds alors que j'étais en état de pureté », que c'est une condition pour que le masḥ 'ala al-khuffayn soit valable, que tu les aies portés alors que tu étais en état de pureté. Si tu les portes et que tu n'es pas en état de pureté, tu mets tes chaussettes alors que tu n'étais pas en état de pureté, tu peux pas faire le masḥ 'ala al-khuffayn par la suite. D'accord? Donc on va dire que quelqu'un met ses chaussettes avant de faire son wudu, et qu'il n'avait pas le wudu à l'avance, il met ses chaussettes. Après, il veut faire son wudu, il veut passer ses mains sur ses chaussettes, ce sera pas valable. Son wudu sera pas valable parce que il a mis ses chaussettes avant de faire son wudu et avant d'être en état de pureté. Donc ça, c'est une condition très très importante. Il faut pas oublier ça. Que avant de faire le masque, il faut être certain que on était en état de pureté lorsqu'on a porté nos chaussettes ou nos bas. Il dit ensuite, لكن اختلفوا في من طهر قدما ثم أدخلها في الخف ثم طهر الأخرى وأدخلها في الخف هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ويجوز له المسح عليهما أم لا؟ فقالت الظاهرية والحنفية وأبو ثور يجوز له المسح على هذه الكيفية وقال الشافعي وأحمد ومالك لا يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة عبارة الحديث محتملة ولكن يرفع الاحتمال قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح أينما أخرجه الطبراني وصححه الحاكم أي نعم دونك La question ici, qu'est-ce que le cheikh il mentionne? Il dit, est-ce que c'est correct si quelqu'un, par exemple, fait son wudu, et puis il lave un pied, il met une chaussette, après il lave l'autre pied, il met l'autre chaussette. Est-ce que dans ce cas-là, il les a portées, ses chaussettes, en état de pureté, et est-ce qu'il peut par la suite faire le masque sur ses chaussettes, s'il a fait son wudu de cette façon-là? Il dit qu'il y a divergence entre les ulama. Donc, il y a une partie des ulama qui ont dit c'est permis pour lui de le faire de cette façon-là, et l'autre partie des ulama qui ont dit non, c'est pas permis de le faire de cette façon-là. Mais si on regarde dans le hadith, il dit adkhaltuhuma tahiratayn, c'est-à-dire que yani ça donne l'impression que il faut que les deux pieds soient purs avant de mettre les chaussettes dans nos pieds. Et il y a une autre narration qui supporte ce sens-là, la narration qui dit, lorsque l'un d'entre vous fait son wudu et il porte ensuite ses deux chaussettes. Donc, ça veut dire, il faut faire son wudu au complet avant de mettre les chaussettes pour que ce soit valable. Pas mettre une chaussette en premier puis mettre l'autre ensuite. Naam. Donc, ça, c'est un petit point qui a été mentionné à ce sujet-là. فائدة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسح لا يجزي إلا في الحدث الأصغر دون الأكبر الموجب للغسل فيجب الخلع به أي نعم Donc il dit il a été rapporté de façon authentique que le masḥ n'est valable que pour le hadath l'impureté mineure et non pas l'impureté majeur, puisque l'impureté majeure nécessite le ghusl. Et donc, il faut laver tout le corps et ça nécessite, bien entendu, d'enlever les chaussettes. Muddatu yawmun wa layla. Donc, on va y revenir à la question de la dureté, la durée. Naam. Donc, on revient à la parole maintenant de Sheikh Cheikh Abdullah al-Bassam, dans son charh, il parle des Rafida et des Shia. Il dit: شذت الشيعة في إنكار المسح على الخفين. روي أيضا عن مالك وبعض الصحابة، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure. Donc les Shia, ils ont nié al-Masḥ al-Khuffayn, de même que ça a été rapporté de la part de Malik et de certains d'entre les Sahaba, mais Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit les narrations de leur part, c'est-à-dire de la part de l'imam Malik et des Sahaba qui nient al-Masḥ, c'est quelque chose qui est pas authentique. C'est pas des rapports authentiques par rapport à ça. أما مالك فالرواية الثابتة عنه القول به وأطبق الصحابة من بعده على الجواز. Donc c'est ça, la narration qui est authentique pour l'imam Malik, c'est de dire que c'est quelque chose qui est permis et qui est correct. Et de même que yani, la parole des Sahaba ont tous dit que c'était quelque chose qui était permis également. أما الشيعة فهم الذين خالفوا الإجماع متمسكين بقراءة الجر من وأرجلهم وأرجلكم pardon لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم. Donc eux ils ont divergé. J'en ai parlé dans les cours précédents lorsque j'ai parlé de la description du wudu. Au début j'ai expliqué que lorsqu'ils récitent le verset dans sourate al-Maïda qui ordonne yani qui explique le wudu, il récite le verset wa arjulikum, le verset il le récite avec un jar wa arjulikum au lieu de dire wa arjulakum, hein? Et yani il se base sur cette récitation là pour dire que c'est pas nécessaire de yani laver les pieds, mais que on peut juste passer les mains ou frotter les mains sur les pieds. Et pour eux, donc, ils croient que le verset abroge les hadiths. Et le cheikh, il dit, وَذَهَبَتْ الْأُمَّةِ جَمْعَا إِلَى جَوَازِ الْمَسْحِ وَاعْتِقَادِهِ مُحْتَجِّينَ بِالسُنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ. Donc, la umma en entier a pris la position que il est permis de faire le masḥ et il faut croire en la validité du masḥ al-khuffayn. Et ils se sont basés sur la sunna qui est mutawatira, c'est-à-dire qui est rapportée par un très très très grand nombre de narrateurs. Et ils disent وَالْقِرَاءَةُ عَلَى فَرْضِ الْأَخْذِ بِهَا تَكُونُ مَجْرُورَةً لِلْمُجَاوَرَةِ أَوْ لِتَقْيِيدِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. Donc, la récitation du verset dans Surat al-Ma'ida, si on lit arjulikum au lieu de arjulakum, comme le cheikh il dit, dans ce cas-là, ce serait, une des raisons, ce serait parce que ça, c'est pour indiquer al-mas' ala al-khuffayn. Hein? Mais sinon, il y a la lecture qui est rapportée et qui est plus, yani, qui est plus connue, c'est de réciter avec la fatha. Comme étant mansoub wa arjulakum, pour dire que c'est pour laver hein, les pieds et non pas de les essuyer ou de passer les mains dessus. Et si on dit que c'est pour passer les mains dessus, c'est lorsqu'on met nos chaussettes. Donc c'est dans le cas où on fait le mas ala al-khuffayn, hein, lorsqu'on a des chaussettes. Des qira'at. Oui, il y a l'autre lecture également, mais les gens de la sunna, lorsqu'ils le lisent avec la kasra, c'est dans le sens de, pour dire que ça, c'est lorsque tu as tes chaussettes et que tu les as mis en état de pureté, dans ce cas-là, tu fais al-mas. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il a expliqué ça en détail lorsqu'il a parlé de ce hadith-là, quand il a fait le sharh de Sahih al-Bukhari, il a élaboré là-dessus. Il y a aucun rapport, parce que alhamdoulillah, il y a des salafis qui étudient toutes les qira'at, toutes les différentes qira'at lorsque du Coran. Non, ça par rapport. Alhamdoulillah, les ulama d'Ahlus Sunnah, qui sont salafiens, ils étudient les différentes qira'at et les différentes, narrations, donc. Et les livres de tafsir expliquent ces choses-là aussi. Donc, Si ils veulent mentionner ça comme exemple, c'est vraiment c'est la preuve de leur ignorance peut-être de par rapport à ces questions-là, ou bien du fait qu'ils ont mal compris la réalité de la salafie. Qu'est-ce que c'était? Allah musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite il dit wa kana ashabu Abdullah ibn Mas'ud يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة فيكون في الآية رد على من لم يرى المسح أخذا بقراءة الجر في وأرجلكم أي نعم. Donc il dit que les compagnons d'Abdullah ibn Mas'ud, ils aimaient le hadith de Jarir ibn Abdullah à propos de Al-Masih al-Khuffain parce que Jarir ibn Abdullah s'est converti après la révélation de Surat al-Ma'ida. Surat al-Ma'ida, c'est une des dernières sourates qui a été révélée, et c'est dans cette sourate qu'il y a le verset, yani du wudu dedans. Et donc, ça réfute la personne qui, yani, refuse d'accepter al-Masih en se basant sur la récitation yani avec le jar yani wa arjulikum au lieu de wa arjulakum hein, puisque c'est venu après, donc ça confirme que la yani la position correcte c'est al-mas, de prendre al-mas' ala al-khuffain, et qu'on peut pas le rejeter en se basant sur la riwaya ou la qira'a qui le mentionne le verset avec le jar wa arjulikum. Il dit wa qala ibn daqiq al-ayd kalaman mu'addahu أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة وإنكاره شعار أهل البدعة. Donc Ibn Daqiq al-Aid, il a un charh de Umdat al-Ahkam, et dans son charh, il explique et il dit que le mash على الخفين est devenu tellement, yani la permission de faire le mash على الخفين, c'est devenu tellement célèbre que c'est devenu un symbole des gens de la sunna. Et de refuser ou de renier al-mas' ala al-khuffain, c'est devenu un symbole des gens de la bid'a. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer du hadith de al-mas' ala al-khuffain? Il dit, on peut tirer, premièrement, mashru'iyatu al-mas' ala al-khuffain 'inda al-wudu'. والمسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الأثر. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer du hadith? Le fait qu'il est légiféré de passer les mains sur les khuf lorsqu'on fait le wudu. Et il dit que le mash, c'est de passer la main une fois avec les mains. Tu passes tes mains une fois sur le dessus des chaussettes et non pas en dessous, seulement sur le dessus. Il y a différentes façons que certains ulama ont mentionné. Il y en a qui disent tu passes la main droite sur le pied droit, la main gauche sur le pied gauche. D'autres ont dit tu peux faire utiliser la main gauche pour essuyer les deux. Il y a différentes façons, mais il n'y a pas de description yani explicite à ce sujet-là. Donc peu importe la façon dont tu le fais, yani c'est correct. Du moment que tu passes tes mains mouillées sur le dessus des chaussettes. Et c'est pas nécessaire de vider de l'eau, une poignée d'eau sur tes bas, pour que tes bas soient mouillés. Comme certaines personnes, parfois ils savaient pas, donc ils ont fait ça. Ils prennent un poignet avec de l'eau dans leurs mains, puis ils la jettent sur leurs pieds, sur leurs chaussettes. Non, c'est pas comme ça. T'as juste à mouiller ta main, hein. Pas besoin que tu aies une quantité d'eau dessus. Juste, tu mouilles tes mains, puis tu les passes sur les chaussettes. Naam. Naam. J'ai jamais entendu ça. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Donc, ok. Donc, ça, c'est réglé. Ah oui, par rapport au fait, comme le cheikh, il dit ici, tu passes pas en dessous du pied. Il y a une athar qui est rapportée de Ali, radiallahu anhu. Et cette athar de Ali qui dit, si la religion devait être basée sur la raison ou la logique seulement, eh bien, on n'aurait pas essuyé le dessus du pied, mais on aurait essuyé le dessous, parce que c'est le dessous qui est sale, puisque c'est dessous par le dessous que tu marches par terre. Hein? Donc, c'est pour dire que parfois, yani, c'est-à-dire lorsque quelque chose vient de l'ordre d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et quelque chose est clarifié dans le Coran et dans la Sunna, il faut pas essayer de le rejeter en se basant sur notre raison ou sur des arguments qu'on considère rationnels. Parce que la charia, elle a sa raison. Hein? Et parfois, sa raison elle est basée sur des choses que nous, on ne peut pas comprendre, parfois. Et si on le renie des choses en se basant sur notre logique, on devient comme Iblis. On devient comme Iblis. Lorsque Iblis a dit, je ne veux pas me prosterner devant Adam parce que lui, il est créé de terre et moi, je suis créé de feu. Et la terre est meilleure que le feu dans la logique de Iblis. Hein? Alors, c'est-à-dire le feu est meilleur que la terre pour Iblis. C'est ce qu'il a eu. Il a eu comme raisonnement. Et donc, il a refusé d'obéir à Allah en se basant sur sa logique. Hein? Et pourtant, yani, dans plusieurs choses, si on regarde, on peut dire que la terre peut éteindre le feu facilement. Hein? Et peut, yani, sur plusieurs choses, yani, la vie sort de la terre, tandis que le feu, yani, détruit. Donc, il y a beaucoup de choses, tu vois, si tu compares, tu peux dire, c'est pas vrai, qu'est-ce que Iblis a dit, que le feu est meilleur que la terre. Qu'est-ce qui prouve que le feu est meilleur que la terre? Il s'est basé sur son raisonnement logique pour essayer de rejeter l'ordre d'Allah. Hein? Donc, si tu commences à faire des choses comme ça, et que tu essaies de rejeter les ordres d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam en te basant sur ta logique, eh bien, tu vas rejeter beaucoup de choses et tu risques même de sortir de la foi. Hein? Donc, du moment que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'omniscient, il est le plus sage, hein, et tout ce qu'il leur donne, c'est parce qu'il leur donne pour une sagesse et pour une raison. Peut-être que tu peux arriver à la connaître, cette raison et cette sagesse, ou peut-être que tu peux ne pas y arriver. Mais peu importe la situation, lorsque tu es un mu'min, tu te soumets à l'ordre d'Allah. Hein? Comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim de sacrifier son fils. Hein? Il a pas essayé d'utiliser sa logique pour dire pourquoi je vais tuer mon fils ou pourquoi je vais le sacrifier. C'est le seul fils que j'ai ou un des. Yani, je l'ai eu quand j'étais très très vieux, hein, et j'avais pas d'enfant. Et tu m'as donné ce fils-là, maintenant tu veux que je le tue? Non, il n'a pas dit ça. Hein? Donc c'est pour dire que ça c'est l'attitude du mu'min. Quand l'ordre d'Allah vient, yani, il sait que tout ce que Allah ordonne, c'est bon. Et c'est pour son bien, donc il s'y soumet. Mais bien entendu, à condition que ce soit authentique, à condition que ce soit un hadith qui est authentique, et non pas basé sur des hadiths daïfs ou des choses qui sont maudours ou faibles, hein. Comme les soufis, par exemple, ils ramènent des choses qui sont totalement batiles, des hadiths qui sont même pas des hadiths, c'est des choses qu'ils ont inventées, puis après ils te disent il faut faire ça, ça, ça, alors que c'est même pas authentique. Donc ça, c'est l'autre extrême. Non. Ensuite, le deuxième point que le cheikh Abdullah al-Bassam a mentionné, il dit ishtirat al-tahara lil-mashi 'ala al-khuffayn wa bi-an takuna ar-rijlan 'ala taharatin qabla dukhulihima fil-khuff. Donc ça, c'est le point qu'on a mentionné tout à l'heure. Une des conditions pour qu'on puisse faire le masque, c'est que lorsqu'on met nos chaussettes, il faut que on soit en état de wudu, en état de pureté, et que nos deux pieds aient été lavés avant de rentrer le khuf dedans. Ok, ça c'est une condition. L'autre condition qu'on a mentionnée tout à l'heure, pour pas oublier, que la chaussette ou les bottes ou les chaussettes soient au-dessus de la cheville. Si les chaussettes ou les bottes ou les chaussures sont en dessous de la cheville, on n'a pas le droit de faire le masah dessus. D'accord? Donc ça, c'est une autre condition très, très importante que beaucoup de gens oublient aujourd'hui, surtout que les chaussettes courtes sont à la mode, hein. Donc il y en a qui aiment porter les petites chaussettes à la mode là, qui arrivent juste en haut du pied là, en bas de la cheville. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est la mode. Bon, eh ben ça, tu peux pas faire le massage dessus. Non. Si elles sont sales, tu peux faire le massage dessus, du moment qu'elles sont pas, qu'elles n'ont, elles ne contiennent pas d'impuretés. Parce que c'est pas toute saleté qui est impure. OK? Donc, si l'impureté, s'il y a de l'impureté dessus, tu dois les enlever avant de prier ou enlever l'impureté. Mais si elles sont sales, c'est-à-dire qu'elles ont de la terre dessus ou du sable ou il y en a des choses comme ça c'est pas impur. Donc tu peux prier quand même avec. Et il y a toute une sunna qui est reliée avec la purification des sandales et des chaussures, qui malheureusement, bon, à notre époque, on l'applique pas souvent parce que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens priaient avec leurs sandales et avec leurs chaussures. Il n'y avait pas de tapis dans les mosquées, donc les gens rentraient puis ils priaient avec leurs sandales, leurs chaussures dans la mosquée. Mais le prophète a enseigné aux sahabas certaines règles avant de rentrer dans la mosquée avec, comme si de vérifier s'il y avait quelque chose en dessous, d'une impureté ou quelque chose avant. Et s'il n'y en avait pas, ils pouvaient rentrer. Et s'il y en avait, de les passer sur le sol, de passer les pieds sur le sol pour enlever les impuretés qu'il y a dessus, et ensuite de rentrer. Donc, tout ça, c'est des règles qui ont rapport avec Nissa que aujourd'hui on n'applique pas. Une autre chose aussi, c'est que dans les chaussures modernes, les running shoes, là, les chaussures de sport qu'on porte aujourd'hui, les semelles en dessous sont pas faites. Wa'alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, les semelles sont pas faites de la même manière que les chaussures de l'époque ou les sandales de l'époque. Il y a plein de petites, hein, des lignes creusées dans la semelle pour que ce soit plus agrippant, hein, que ce soit pas glissant. Bon, à cause de ça, yani, les impuretés peuvent s'incruster à l'intérieur de la semelle facilement. Oui, à cause des crampons, des choses comme ça. Donc, il faut faire attention, yani. Lorsque tu vas prier avec tes chaussures ou tes chaussures de sport ou quoi, de croire que tu dis bon, c'est permis. Vérifie bien comme il faut. Surtout que les koufars, ils ont tous des chiens et qu'ils marchent dans la rue, ils font leurs besoins sur le trottoir ou dans les rues comme ça, tu marches dans ça, tu fais pas attention. Après, tu réalises qu'il y avait des excréments du chien dans tes chaussures, tu l'avais même pas remarqué. Et tu priais avec. Et ça, c'est pas acceptable. Une fois, le prophète sallam, il priait et pendant sa prière, il a retiré ses sandales. Alors pendant ce temps-là, tout le monde tous les sahabas qui étaient derrière lui ont retiré leurs sandales en même temps, puisqu'ils ont vu le prophète sallam faire ça. Alors le prophète sallam leur a dit: pourquoi avez-vous enlevé vos sandales? Ils ont dit: on les a enlevées parce on t'a vu enlever tes sandales. Et on voit à quel point les sahabas voulaient toujours suivre à la lettre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: non, vous n'êtes pas obligés de les enlever. Moi, je les ai enlevées parce que Jibril est venu m'informer qu'il y avait une impureté dessus. Alors, je les ai enlevées. D'accord? Donc, c'est un exemple qui montre que c'est important que lorsque tu rentres pour faire une adoration, comme prier et tout, que tu regardes qu'est-ce qu'il y a dans tes chaussures en dessous pour être sûr qu'il n'y a pas d'impureté. Puis si c'est des chaussures comme les souliers sport ou tout, ça il faut faire attention encore plus. Naam, le point numéro 3, istihbab khidmati al-ulama wal-fudala. Comme regardez le point, qu'est-ce que le cheikh il mentionne comme point par rapport à ce hadith. Il dit: il est recommandé de rendre service aux ulama et aux hommes de mérite, c'est-à-dire de les servir. Et l'exemple de ça, c'est le sahabi qui voulait l'aider à enlever ses chaussures et tout et tout. Donc ça fait partie des bonnes manières. Lorsque tu vas, yani, avec les ulama et les shuyukh, de les servir pour, yani, leur rendre service et leur faciliter les choses. Ça fait, c'est quelque chose de bien. Le point numéro 4, جاء في بعض الروايات في هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر. Donc, dans certaines narrations du hadith, on a rapporté que ça c'était à propos de la bataille de Tabouk, c'est-à-dire la ghazwa, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers Tabouk avec les sahaba pour la prière de, c'est arrivé à la prière de Fajr. Naam, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il explique maintenant le deuxième hadith, qui est le hadith de Hudhayfa, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, était dans un voyage, puis il a uriné, puis ensuite il a fait le mash. Après avoir fait le wudu, il a fait le mash. Et en note de bas de page, il mentionne le hadith au complet. Il dit, عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة أو سباطة يعني مزبلة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ وزاد مسلم فمسح على خفيه. اي نعم. Donc il dit dans le hadith qui est rapporté dans As-Sahihain, il dit j'étais avec le prophète صلى الله عليه وسلم. Il est arrivé vers un endroit où les gens jettent leurs déchets. Mazbala, comme une poubelle, un endroit où les gens mettent leurs déchets. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout. Alors je me suis écarté. Et il a dit ensuite, rapproche-toi. Alors je me suis rapproché jusqu'à ce que je me tienne derrière ses talons. Alors il a fait le wudu. Et il a passé les mains sur ses chaussettes. Donc, ça c'est le hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Ma yu'khadhu min al-hadith, mashru'iyyatu al-mash'i 'ala al-khuffayn fi as-safar. Qu'il est légiféré de faire le mash', de passer les mains mouillées sur les chaussettes ou sur qu'est-ce qu'on a dans nos pieds durant le voyage. Il dit مدة المسح على الخفين والعمامة في السفر ثلاثة أيام بلياليها ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة يحسب بابتداؤها في السفر أو الحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال. Donc le cheikh il dit il est légiféré de faire al-mas' ala al-khuffayn dans le voyage. Lorsque tu voyages, c'est légiféré de passer tes mains mouillées sur les chaussettes et la durée du mas', que ce soit sur les chaussettes ou sur les bas ou sur l'imama. Al-imama, c'est quoi? C'est le turban qui entoure toute la tête au complet. Hein? Et qui est tourné en dessous du cou. Qu'on appelle al-muhannaka. Hein? Celui qui est difficile à enlever. Si tu l'enlèves, c'est compliqué. Donc, dans ce cas-là, tu peux, au lieu d'enlever ta imam, tu passes tes mains dessus. Tu passes tes mains mouillées dessus lorsque tu fais la tête. Au lieu d'enlever au complet. Et il dit, ça c'est dans le voyage. La durée du mas' pendant le voyage, c'est de 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Et pour la personne qui est résidente, quand elle est chez elle, elle n'est pas en voyage, c'est un jour et une nuit, c'est-à-dire 24 heures. Et à partir de quand est-ce qu'on calcule le temps du mas' que ce soit en voyage ou que ce soit chez, quand on est chez nous, il dit on commence à compter le temps, yani selon l'opinion la plus correcte, on commence à compter à partir du premier mash qu'on a fait. C'est-à-dire, je donne un exemple, inshallah, on va dire que tu te lèves pour le fajr, puis tu fais ton wudu et tu laves tes pieds normalement. Tu fais le wudu au complet. Tu mets tes chaussettes avec et tu as le wudu. Donc tu mets tes chaussettes en état de pureté. Maintenant tu t'en vas travailler. Au travail, tu n'as pas perdu ton wudu, donc tu pries la prière de Zohor. Après la prière de Zohor, tu retournes travailler. Et après le Zohor, tu travailles jusqu'à, on va dire, 17 h. Tu termines le travail, tu rentres chez toi. Après, tu vas à la mosquée pour le Asr. Et là, tu fais encore ta salat avec le même wudu que celui de Fajr, parce que tu n'as pas perdu ton wudu encore. Yani, c'est juste un exemple. C'est possible, mais c'est déjà arrivé. Et après le Asr, après que tu as fini de faire le Asr, tu rentres chez toi. Donc là, tu yani, fais tes besoins. Et là, tu fais ton wudu pour le Maghrib et tu passes tes mains mouillées sur les chaussettes. Tu vas commencer à calculer ton mash à partir de Maghrib. Parce que c'est à partir de ce moment-là que tu as fait ton premier mash en Al-Khuffayn. Ça veut dire que tu peux garder tes chaussettes et faire le mash jusqu'au lendemain Maghrib. Et là, et ce serait, et Maghrib, à partir du moment où tu as fait le mash. Après, et si tu l'as fait le mash avant le Maghrib, donc c'est tu dois enlever tes chaussettes avant le Maghrib aussi. Puisque t'as fait ton masque avant le Maghrib. D'accord? C'est ça. Si tu la gardes, si tu l'enlèves par la suite, tu dois laver tes pieds au complet par la suite. Je vois Hassan, c'est à toi la bouteille là-bas. Ah, d'accord. Avant de venir, je voulais aller acheter une bouteille d'eau. Mais attends, je pense qu'il y a des verres dans le truc. Barakallahu fik. Ouais, j'ai vraiment soif. Ça fait du bien, mashallah. Alhamdulillah. Non. Oui. Autant de fois que tu veux, jusqu'au lendemain. Oui, sans enlever tes chaussettes, bien sûr. Ben, tant que tu les retires pas au complet, ou si tu rentres ta main pour gratter ton pied, ça dérange pas tant que tu retires pas ta chaussette. Non, c'est ça. C'est. Non. Si t'as jamais perdu ton ablution tu peux les retirer une dizaine de fois, puis les remettre une dizaine de fois, ça change rien. Oui, si tu fais ton houdou, puis que tu mets tes chaussettes, puis que tu as toujours ton houdou, tant que tu as ton houdou, tu peux les retirer, les enlever le nombre de fois que tu veux, puis tu as toujours ton houdou. Mais c'est après que tu as fait ton premier masque, c'est là que tu dois plus les enlever. Tu comprends? Parce que là, si tu fais le masque, après avoir perdu ton houdou, la première fois que tu. Là, si tu les retires par la suite, c'est là que ça va annuler ton houdou. Oui, c'est ça. C'est là que tu dois faire ton wudu au complet. Naam. Dans des cas comme ça, là, je trouve que ce serait mieux que tu fasses le masque sur ta chaussette au lieu de le faire sur la chaussure. Parce que la chaussure, elle est en bas de la cheville, comme tu l'as dit. Donc, c'est sûr que tu peux pas faire le masque dessus. Donc, dans ce cas-là, non. Le deuxième point qu'on peut tirer de ce hadith que le cheikh a mentionné, il dit, al-mas'h 'ala al-khuffayn ba'da al-wudu' min al-bawl. وثبت المسح على الخفين على العمامة من كل حدث أصغر في أحاديث كثيرة أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا على العمامة بل لا بد من الاغتسال أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة. Donc le chef il explique des points ici qui sont importants. Il dit que tu dois faire le masse à al-khuffain lorsque tu as perdu ton wudu, lorsque c'est-à-dire après avoir fait ton wudu que tu avais perdu ton wudu pour une impureté mineure, comme uriner après avoir uriné, ou des choses de ce genre. Donc, tu peux faire le mas' ala al-khuffain, ou passer les mains sur al-imama, le turban, après toute petite impureté. Donc, tu vas pas faire le mas' sur un koufi comme ça, par exemple. Passer ta main par-dessus. Ou bien un imama comme ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est facile à enlever. Donc t'as pas de raison de pas passer ta main sur tes cheveux, tandis que l'imam, hein, celle qui est entourée sur la tête et tout, c'est elle qui est compliquée à enlever et tout, donc c'est elle que tu as la permission de faire le masque par dessus. Et c'est seulement pour l'impureté mineure et non pas l'impureté majeure, puisque l'impureté majeure exige le ghusl, hein, tu dois faire le bain au complet et te laver au complet. Il dit également la même chose pour le plâtre. Lorsque quelqu'un il a un plâtre ou bien il a quelque chose, un pansement sur une blessure, il dit le cheikh, il dit on doit passer la main mouillée par-dessus pour l'impureté mineure et majeure aussi. Parce que ça, c'est un pansement ou quelque chose pour une blessure. Mais il dit que si tu vas passer la main mouillée par-dessus et que tu crains que ça te fasse plus de mal ou que ça va te faire du tort en faisant en passant la main par-dessus, la main mouillée par-dessus, dans ce cas-là, tu passes pas la main dessus mouillée. Tu fais juste le tayammum et c'est fini. Mais tu laves tous les autres membres qui sont en bon état, qui sont pas blessés. Et non. Non, Marie. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas comme les chaussettes. C'est pas comme les chaussettes. C'est pas une condition que tu l'aies mis en état de pureté, le plâtre. Et c'est pas une condition non plus que ça fasse une durée de temps, puisque le plâtre, tu décides pas toi-même combien de temps tu vas le porter. Oui, c'est la même chose. Oui. Quand t'as un pansement, non, tu passes juste à même au lieu de par-dessus le pansement pour ça, au lieu de laver tout le membre au complet. Wallahu a'lam. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis, le prochain cours, Inch'Allah, on va faire un autre sujet. C'est Babun fil madhi wa ghayrihi. Donc, qu'est-ce qui a rapport avec le liquide spermatique et tous ces trucs-là, le sperme, le liquide spermatique et toutes les substances qui sont évacuées par les parties génitales ou les choses comme ça, c'est quoi le hukum par rapport à ces choses-là? Donc, c'est de ça qu'on parle la semaine prochaine, durant l'année au prochain cours. Oui, c'est ça. Si quelqu'un il a des blessures ou des maladies de peau ou des choses comme ça des fois et que quand il utilise de l'eau, ça peut lui faire du tort ou ça peut empirer sa situation. Mais dans ce cas-là, si il peut, comme on a dit, soit il fait le tayammum, puis pour les parties où il n'y a pas de où il n'y a pas de blessure, où il n'y a pas de problème, il fait son wudu normal. Allahu a'lam. Le pansement, c'était où dans ta bouche? Oui, c'est ça. Tu peux faire le tayammum dans des cas comme ça. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.